France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la catastrophe de Courrières dans le Pas-de-Calais. Nous sommes le 10 mars 1906. Le printemps s'annonce timidement dans ce plat pays où les corons ont remplacé les champs de blé, où les chevalements et les terrils signalent à tous qu'ici, le charbon est roi. Mais soudain, une énorme explosion, une déflagration terrible, un inimaginable coup de tonnerre qui laisse présager le pire. Le bilan en effet est terrible, 1099 mineurs morts. 1099. Il s'agit de la plus grande catastrophe qu'ait connue la France et même l'Europe. Dans ce monde, la mine où les gaz, le grisou, les éboulements tuent régulièrement, faut-il se dire que c'est la fatalité? Pas seulement. La compagnie des mines de Courrières, propriétaire et exploitante du site, préoccupée avant tout de ses bénéfices, a gravement négligé la sécurité des hommes du fond. Ceux-ci, d'ailleurs, se mettent immédiatement en grève, suivis bientôt par tous les mineurs du bassin du Nord-Pas-de-Calais. La catastrophe de Courrières est la première à avoir été largement médiatisée. Reportages, photos, gravures, témoignages, éditoriaux, appels à la solidarité en font un événement national porté par une presse quotidienne alors en pleine expansion. Notre invitée aujourd'hui, Marion Fontaine, historienne, spécialiste de l'histoire des mouvements ouvriers et notamment des mondes miniers, professeure à Sciences Po Paris. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizion. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il est un peu plus de 4 heures, en ce 10 mars 1906, quand Charles Pruvot s'assit à la table de la cuisine qui sert aussi de salle à manger et de salle de bain. C'est l'heure du café, c'est l'heure du réveil. La mère, comme il l'appelle, est déjà debout. Elle est toujours la première levée pour ranimer le feu et faire passer le café. Il fait bien chaud dans cette petite maison coincée entre deux autres parfaitement identiques et c'est la compagnie qui fournit le charbon. Anselme, active-toi, on va être en retard, crie Charles. Alors, l'adolescent de 15 ans émerge de la chambre qu'il partage avec ses quatre frères et sœurs. Anselme a commencé à travailler à la mine 3 ans plus tôt. Un salaire de plus, avec toutes ces bouches à nourrir, ça ne pouvait pas être autrement. Les Pruvot, père et fils, longent le coron qui étire ses habitations sur près de 200 mètres. L'un et l'autre sont déjà en tenue de travail, pantalons de grosse toile et vareuse blanc, béguin sur la tête. Béguin, c'est le nom du bonnet de coton porté sous le casque de cuir bouilli, qui lui se nomme Barrette. Alors il marche en silence dans la nuit noire et le froid mordant et rattrape bientôt ses ardents anglos. Pruvot et lui travaillent dans la même équipe. Ensemble, ils se dirigent vers la fosse 3 de Billy Montigny pour 10 heures d'un travail harassant à 300 mètres sous terre. Un travail que Zola, qui était lui-même descendu au fond pour documenter son roman, décrivait ainsi dans Germinal, paru 20 ans plus tôt et depuis, entre-temps, les conditions n'avaient pas changé. Allongé sur le flanc, il n'avait qu'une idée. Compléter un gros nombre de berlines. À mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage. Eux, au fond de leur trou de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leur poitrine embrasée, tapaient toujours. Mais pour l'instant, Pruvot et Danglot ne pensent pas à la journée de travail qui les attend, à la veine de charbon qu'ils attaqueront au piolet, à ces ténèbres d'où ils ressortiront noirs de la tête aux pieds. Non, ils ont le cœur léger. Parce que demain c'est dimanche. Et dimanche, ils pourront s'adonner à leur occupation favorite, la colombophilie. C'est d'ailleurs de cela dont ils parlent avec animation, César et Charles, de leurs pigeons. Ils misent sur leur succès dans les concours. Quand les volatiles, c'est la règle du jeu, conduits à des centaines de kilomètres, doivent retourner au bercail le plus vite possible. Voilà. Il est près de 5 heures maintenant. Et ils sont à présent sur le carreau de la mine, c'est-à-dire sur les installations extérieures, avec quelques centaines d'hommes, d'enfants et de femmes, tous employés de la compagnie des mines de Courrières. Elles sont plusieurs, ces compagnies, qui ont obtenu de l'État des concessions d'exploitation pour ce sous-sol gorgé de richesses. En fonction de la vieille loi du 21 avril 1810, l'exploitation minière se trouve partagée entre un certain nombre de riches sociétés financières. Compagnie de Lens, compagnie de Guévin, compagnie d'Anzin, compagnie de Courrières, etc. C'est aux compagnies qu'appartiennent les puits et leurs installations. Elle possède le sol, les maisons, les jardins, les écoles, les dispensaires et les églises. La tutelle de la compagnie se veut paternelle. Elle loge le mineur, assure son chauffage, éduque ses enfants, soigne ses malades, contribue à la constitution des caisses de secours et de retraite. Elle entend cependant rester maîtresse absolue des bénéfices de ses actionnaires, et ceux-ci sont considérables. Elle entend surtout rester maîtresse absolue du destin de ceux qui travaillent pour elle. Ce jour-là, sur le carreau, Pruvot et Danglot retrouvent un homme qui s'alarme du feu qui brûle depuis quelques jours à 280 mètres sous terre, dans la veine Cécile. Oui, chaque veine est baptisée d'un prénom féminin. Il y a Cécile, donc, mais aussi Adélaïde, Julie, Mathilde. Le feu en question a démarré accidentellement avec la lampe à feu nue d'un raccommodeur, un homme chargé de l'entretien des galeries. On sait que ces lampes, dont la flamme n'est pas protégée par un grillage, sont dangereuses, mais elles sont encore largement employées. L'homme qui s'inquiète, Pierre Simon, alias Rick, est connu et estimé de tous ceux de la fosse 3. Et pour cause, il est leur délégué, élu par eux, officiellement délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, une fonction créée en 1890. Depuis plusieurs mois, Rick alerte sur la grande quantité de poussière en suspension dans les galeries et la nécessité d'arroser pour faire tomber au sol ces fines particules de charbon hautement inflammables. Trois semaines plus tôt, il avait recommandé de ne plus faire descendre d'hommes à la fosse 3 et d'installer des arrivées d'air. Deux jours plus tôt, il avait interpellé l'ingénieur, lui avait demandé que l'incendie de la veine Cécile soit inondé. En vain, ce dernier a choisi de la contenir derrière un mur et des levées de terre, affirmant que le feu mourrait rapidement faute d'oxygène. Cette scène est reconstituée dans le film de France 3 sur la catastrophe. On y entend successivement le délégué des mineurs, un représentant de la direction et à nouveau le délégué. Camarades, si le feu de la Caroline devait se propager, ce serait la catastrophe. En ma qualité de délégué mineur à la sécurité, je vous invite à ne pas descendre. Tant pis pour les dégâts. Les vies humaines passent à bord. La direction considère qu'il n'y a plus aucun danger à descendre. Et elle ordonne de descendre immédiatement. Camarades, ne descendez pas. La force de l'habitude, la nécessité de nourrir sa famille surtout, tout cela fait que les hommes descendent dans la mine sans crainte particulière. Alors c'est parti. Par groupe de 15, serrés dans la cage brinque-ballante, les gueules noires rejoignent les différentes veines dans lesquelles ils travaillent, marchant parfois une demi-heure dans les galeries. Ce jour-là, ils sont 1664 au fond, dans les puits 2, 3 et 4. Et ils se mettent à la tâche. Pas de temps à perdre, ils sont payés au rendement. César et Charles sont tous deux ce qu'on appelle des abatteurs. Ils font tomber le charbon à grands coups de pique avant que le chercheur charge les blocs de houille dans les berlines. L'apprenti Anselme, on dit galibot, pousse les berlines sur des rails pour les accrocher à d'autres qui seront tirés par un cheval jusqu'à la cage pour être remontés. Poids d'une berline, 500 kilos. La mine retentit des coups de pique, du grondement des berlines, du martèlement des chevaux, du grincement des cages qui remontent la houille. Et qu'il fait chaud, les hommes sont torse nus, la transpiration leur coule dans les yeux. Et c'est peu après 6h30 qu'une explosion retentit. Ce qui devait être un samedi ordinaire tourne au cauchemar. La cage d'ascenseur du puits numéro 3 qui monte et descend les mineurs est projetée à 15 mètres de hauteur, tandis qu'une énorme fumée sort de la fosse. Et au fond, c'est le chaos. Les galeries s'effondrent, des hommes sont écrasés sous des tonnes de roches. Immédiatement après, un feu dévorant se propage à la vitesse de l'éclair dans le réseau de galeries, soit sur 110 kilomètres. Et ceux qui ne sont pas écrasés meurent brûlés ou asphyxiés par les gaz. Le jeune Louis Danglot, le jeune frère de César, n'oubliera jamais ce moment. J'étais dans ma galerie, où il y avait 20-25 ouvriers qui sont du reste tous morts. Quand nous avons entendu une détonation, que j'aurais toujours dans l'oreille, on aurait vraiment dit un coup de tonnerre, mais très prolongé. Tout de suite, je ne m'ai pas fait d'illusion, j'ai dit c'est le feu. Et nous avions un petit béguin qu'on appelle, c'était un petit truc en toile qu'on mettait sur la tête. Je l'ai pris et je l'ai mis dans ma bouche. Et j'ai toujours couru vers l'étage 326. Étant donné que nous connaissions le feu, nous, à l'étage 280, on a dit, on aura des chances d'être sauvés par 326. Et j'ai parti comme ça, avec le béguin dans ma bouche, est tout ruisselant. Le bruit de l'explosion se fait entendre loin, aux environs. Alors, femmes, enfants, vieux convergent vers la mine, depuis les communes de Billy-Montigny, de Méricourt, de Salomine. Ce sont les trois communes les plus touchées. Et si la compagnie s'appelle Courrières, c'est parce que c'est dans cette commune qu'a été foré son premier puits en 1852. Tout le monde donc se précipite vers le lieu de l'explosion, l'inquiétude chevillée au corps. Et tout le monde se masse devant la grille qu'on a fermée. Les femmes agrippent les barreaux, interpellent les hommes qui sont sur le carreau, s'égosillent. En vain. La plus grande confusion règne. Des mineurs ont réussi à remonter, dont Louis d'Anglot, qui, après des tours et des détours dans les galeries, après avoir enjambé des cadavres tués par les gaz, a fini par trouver une sortie. D'autres, avec lui, ont retrouvé le jour en grimpant par les échelles des puits d'aération. Les secours se mettent péniblement en place. La compagnie, qui n'a pas brillé par la prévention, pêche aussi pour l'organisation des secours. En outre, impossible de descendre par le puits numéro 3, il est obstrué par un amoncellement de planches, de métal tordu et de gravats. Donc, il faut passer par le 2 ou par le 4. Les premiers cadavres sont remontés, horriblement brûlés et mutilés. Vision d'horreur qu'un journaliste décrit ainsi. Tous, de la tête aux pieds, sont noirs, semblables aux débris foudroyés et à demi fondus de statues de bronze. Les restes des malheureux sont sculptés dans du charbon. Les femmes se penchent, tentent de reconnaître le visage d'un mari, d'un fils, trébuchant d'épouvante à chaque station. Tous ne sont pas reconnaissables. 272 corps resteront non identifiés. Madame Colcanap a perdu son père ce jour-là. Mais dans ce malheur, une chance, entre guillemets, son corps était indemne. Elle témoignait en 1978 dans le documentaire de FR3, La tragédie de Courrières. Il n'était pas abîmé, papa, pas du tout. On l'a ramené le dimanche et dans son cercueil, mais les cercueils étaient ouverts. Alors je vous dis, j'ai pris une chaise, j'ai monté sur la chaise et j'ai embrassé mon père dans le cercueil. Et il n'était pas défiguré, juste une petite croûte sur le nez. On l'avait retrouvé asphyxié au fond de la mine contre un bois. Il était contre un bois comme ça. Plusieurs sauveteurs ne remontent pas, terrassés par les gaz ou par le manque d'oxygène, absorbés par le feu. Le délégué Rick descend lui aussi et revient avec 17 hommes. Par chance, dès le lendemain, des sauveteurs allemands venus de leur propre chef arrivent de la ville de Herne, en Westphalie. Ils sont équipés d'appareils respiratoires, ils sont bien organisés, ils sauvent plusieurs dizaines de mineurs. Et n'empêche, la catastrophe révèle vite son ampleur. À la fosse numéro 3, 666 hommes étaient descendus, 507 ne sont pas remontés. À la fosse numéro 4, il y a 429 manquants pour 482 hommes descendus. Et à la fosse numéro 2, 164 ne sont pas remontés sur les 517 qui travaillaient au fond. Derrière les grilles, un silence inquiet s'installe. Mais l'heure est encore à l'espoir. Et dans le jour qui pointe, on entend des prières murmurées, parfois un sanglot retenu. Bien vite cependant, on annonce plus de 1000 morts, 1500 même. Le bilan officiel s'établira rapidement à 1099. La catastrophe est là, énorme, épouvantable. La presse envoie le jour même des journalistes sur place. Et ils livrent des récits poignants, tel celui de cet homme interrogé par le Petit Journal. Il s'appelle François Serf. Il travaillait dans une galerie entre le puits 2 et le puits 3 avec une quarantaine d'ouvriers. Le porion dont il parle, c'est le contremaître. Des gaz infects sifflaient à nos oreilles. À tout instant, nous entendions le bruit d'écroulement qui nous arrivait de diverses galeries. Des cadavres, il y en avait de tous côtés, et des remblais, et des débris de boisage. Le porion allait devant. Il prenait une galerie puis criait « Arrière, arrière, les gaz envahissent !» Ainsi, nous avons tâtonné de 7h du matin à 4h de l'après-midi. De temps en temps, l'un de nous tombait. Dès le 11 mars, le drame est à la une des journaux régionaux et nationaux. Courrières est ainsi la première grande catastrophe minière médiatisée. Arrivés sur place, avant-ministre et ingénieur parisien, les journalistes n'hésitent pas à descendre au fond. Et ils en remontent avec des reportages remarquables et des constats sévères, note la Voix du Nord à l'occasion du 100e anniversaire. Les gueules noires, leurs dures conditions de vie et de travail et leur cortège de morts font leur entrée dans les foyers et dans l'imaginaire collectif. Le 24 mars, le journal satirique L'Assiette au Beurre sort un numéro entièrement consacré à Courrières. Deux de ses illustrateurs, Jules Grandjoie et Aristide Delannoy, sont allés à Méricourt. Ils en rapportent des dessins poignants et féroces pour les actionnaires et la direction de la compagnie. C'est pour arracher à la mine des dividendes fabuleux que plus de 1500 hommes sont sous nos pieds, brûlés, écrasés, asphyxiés ou morts de faim, enrage Grandjoie en introduction de son dessin. Un peu partout, gravures, cartes postales et photos donnent à voir la catastrophe, les dégâts, le chagrin, la misère. Alors, quand les journaux organisent des souscriptions pour venir au secours des familles, les dons affluent, importants. Les Rothschild, par exemple, versent 100 000 francs. Le pape Pie XII, 20 000. Les mineurs allemands et leurs patrons, 250 000 francs. Et ce n'est pas tout. Des centaines de travailleurs, de secrétaires, de ménagères envoient quelques francs. 8 millions sont ainsi recueillis. Les récits de la presse ont touché au cœur. Et bien sûr, très vite, les raisons de l'explosion sont interrogées. Un coup de grisou? Non, la mine n'est pas réputée pour en avoir. Si les journaux évoquent d'abord cette cause, c'est en réalité un coup de poussière ou un coup de poussier qui est la cause de l'inflammation instantanée de l'ensemble du réseau souterrain. Bien. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'explosion? Gérard Dumont, professeur agrégé, missionné au Centre historique minier de Leeward, répond au micro de Jean Lebrun sur France Culture en 2006, à l'occasion du centenaire de la catastrophe. On sait maintenant qu'il faut faire la part des choses entre la raison qui a provoqué l'inflammation initiale, et là, les choses ne sont pas sûres du tout, c'est peut-être des explosifs mal utilisés, c'est peut-être un peu de grisou, c'est peut-être simplement la lampe à flamme nue que portaient les mineurs, faire la différence entre cette cause initiale et surtout les raisons de l'ampleur de la catastrophe. Et là, c'est là qu'interviennent les poussières, des poussières qui étaient extrêmement abondantes à Courrières, des poussières qui se sont soulevées ou qui formaient déjà un nuage, qui se sont enflammées et qui, en s'enflammant, ont provoqué une déflagration violente, beaucoup de température, beaucoup de souffle aussi, un souffle qui a soulevé devant lui de nouvelles poussières qui se sont enflammées à leur tour, et ainsi de suite. Ce qui fait que la flamme a parcouru les 110 km de galerie à une vitesse qui est pratiquement effarante, parfois à 1000 mètres seconde, même si elle a pu se ralentir, en provoquant des dégâts absolument monstrueux. Et pourquoi toutes les galeries communiquaient-elles entre elles? La réponse est terrible. C'était supposé faciliter les secours en cas d'inondation, une autre menace, réelle effectivement, pour la vie des mineurs. Sauf qu'ici, cette méthode a considérablement amplifié le désastre. 110 km sans obstacle, pensez donc, une aubaine pour ce feu meurtrier. Je m'en vais vous chanter la conversation entre un propriétaire et une pauvre femme. Lui posséder les mines de toute la région. Elle était la femme d'un mineur de fond, deridan, dan, dan, deridan. Un jour sur la route, très loin de la ville, le propriétaire quittait son domicile. Avant d'avoir fait une dizaine de pas, la femme d'un mineur sur son chemin rencontra deridan, dan, dan, deridan. Monsieur, lui dit-elle, il ne faut pas avoir peur d'une pauvre femme, de la femme d'un mineur. Mon très cher monsieur, vous êtes vraiment très pâle. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Deridan, dan, dan, deridan. D'où venez-vous? Crie le propriétaire. Et la pauvre femme dit, je viens de l'enfer. Ma chère madame, expliquez votre cas. Comment avez-vous fait pour sortir de là? Deridan, dan, dan, deridan. En bas, dit la femme, ils font un transfert. Ils chassent tous les pauvres gens de l'enfer. pour faire la place aux riches bourgeois. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup là en bas des ridins, dans, dans des ridins. Je crois bien, cher monsieur le propriétaire, que vous êtes sur la liste pour descendre en enfer. Le diable m'a dit quand je sortais du fourneau, je veux le gros propriétaire à chapeau des ridins, dans, dans des ridins. Permettez-moi de vous donner un conseil, pensez à vos hommes et augmentez leur paye. Si vous ne le faites pas, monsieur le propriétaire, peut-être un de ces jours vous irez en enfer des ridins, dans, dans des ridins. Aujourd'hui, la catastrophe de Courrières. France Inter. Affaires sensibles. Les premières inhumations ont lieu le 13 mars. Ce jour-là, une tempête de neige dépose un voile blanc sur les cercueils et sur le cortège qui s'étire sur 2 kilomètres. La température est glaciale, mais la colère brûle les cœurs. La compagnie a imposé une cérémonie religieuse. L'évêque d'Arras qui l'a conduit est conspué. L'ingénieur en chef des mines de Courrières tente de prendre la parole. Il est empêché par des huées et des cris de colère. « Assassin, va au fond !» « Jetons-le avec les cadavres », entend-il. Émile Bassely, lui, est écouté. Le député-maire socialiste de Lens, ancien mineur lui-même, président du syndicat des mineurs, qu'on appelle le vieux syndicat, est un personnage dans la région. Voici ses mots. « Et vous, galibots, herscheurs, mineurs, dormez de votre dernier sommeil. Nous garderons éternellement dans nos cœurs le souvenir de votre triste fin. Et si un jour, le prolétariat minier, affranchi de la pesante oppression capitaliste, libéré de son servage, connaît des jours enfin paisibles, tranquilles et heureux, il n'oubliera pas votre martyre. Adieu mes camarades. Adieu. » Ce même jour, les recherches sont arrêtées et une partie de la mine est murée sur ordre de l'ingénieur général envoyé de Paris. Les mineurs, eux, sont persuadés qu'il reste des survivants au fond. Mais qui écoute ces hommes, qui pourtant connaissent le puits et les galeries mieux que tous les ingénieurs réunis? Personne. Les ingénieurs décident aussi d'inverser le système d'aération conçu pour renvoyer de l'air frais au fond, ce qui a pour effet de déplacer les gaz toxiques dans des endroits où justement des survivants se sont peut-être repliés. Des survivants? Quels survivants? Il n'y en a plus, affirment ces messieurs qui savent. Et des responsables, y en a-t-il? Ou faut-il incriminer la malchance, les forces souterraines qu'on ne peut pas toujours maîtriser? La presse a la réponse. La Lanterne, quotidien violemment anticlérical, écrit dans son édition du 15 mars. Si à l'heure actuelle, plus de 1000 travailleurs ont été fauchés par la mort, si tant de femmes et de petits-enfants sont plongés dans la désolation et la misère, la faute en est à l'avidité et à l'incurie des entrepreneurs asservis au capital. Depuis longtemps, la compagnie, soucieuse seulement d'assurer de gros dividendes à ses actionnaires, négligeait toutes les précautions. De gros dividendes, en effet. Le jour même de ce crime capitaliste, comme le qualifie la Lanterne, un quotidien lillois annonçait pour le 31 mars une augmentation des dividendes des actionnaires de la compagnie des mines de Courrières. Alors la grève éclate. Le 15 mars, 9000 mineurs débraille pour un mouvement spontané qui se répand comme une traînée de poudre. Le 20 mars, ils sont 50 000 à avoir cessé le travail et installé des piquets devant toutes les fosses. Et il sera long, il sera dur, ce conflit social. Il marquera une fracture durable entre le vieux syndicat mené par Émile Bassely, à tendance réformiste, et le jeune syndicat, affilié lui à la CGT anarcho-syndicaliste, dont la figure de proue est Benoît Broutchou, qui prône lui la grève totale. Une grève qui oppose aussi deux grandes figures socialistes, le député Jean Jaurès et le ministre de l'Intérieur du tout récent gouvernement d'Alliance des Gauches, Georges Clemenceau. À ce dernier qui dénonce la violence des grévistes, Jaurès répond « violence patronale ». Voici un extrait de l'une de ses interventions à la Chambre. Le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une autorité violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans éclat de voix, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continueront la lutte seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles mais connues des autres patrons à l'universelle vindicte patronale. Cela ne fait pas de bruit. C'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant. La machine ne grince même pas. C'est en silence qu'elle le broie. Clémenceau se rend dans la région le 17 mars. Il rencontre Émile Basly, puis se rend à la Maison du Peuple, siège de la CGT. Le jeune syndicat a un seul mot d'ordre, une revendication forte, les 4-8, soit 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs et 8 francs par jour. Le Tigre, qui se définit déjà comme le premier flic de France, tient alors ce discours. Je suis venu ici, comme représentant du gouvernement, vous dire que le droit de grève sera maintenu dans sa plénitude, à condition que les grévistes, en bons citoyens, respectent les lois et les droits des non-grévistes. Si l'ordre était troublé, si lorsque se dessinera la reprise, vous voulez empêcher, par la force, vos camarades de travailler, alors je ferai respecter la liberté du travail. La menace est claire. Mais les négociations avec les directions des compagnies n'avancent pas. Celles-ci jouent la montre. Cette fin d'hiver est glaciale. Les réserves de légumes sont épuisées. Le pain manque. Des soupes populaires se mettent en place ici et là, bien sûr. Mais elles sont insuffisantes. Eh bien, malgré tout, les mineurs tiennent bon. Ils veulent faire payer aux compagnies le crime de courrière. Le 28 mars, le vieux syndicat organise un référendum sur la poursuite ou non de la grève. Ils sont 32 000 à se prononcer pour qu'elle continue, 18 000 contre. Mais la misère gagne. Adolphe Dubrec, alors jeune mineur de 18 ans, à Denain, en donne un aperçu dans son livre de souvenirs intitulé « Un mineur nommé Patience ». C'était partout la misère, la vraie, celle dont on n'a pas idée aujourd'hui parce qu'il existe des organismes de secours. À la maison, ma mère coupait notre dernier pain rassis en lamelles. Heureusement, on était en avril et on envoyait les enfants cueillir des pissenlits sur les terrils. On partageait un œuf en cinq. Et c'est dans ce climat que survient un coup de théâtre. Nous sommes le 30 mars. Des mineurs, oui, des survivants, sortent de la fosse 2. Ils sont 13, qui ont erré pendant 21 jours dans les galeries transformées en charniers puants, dira l'un d'eux. Et ils ont, vaille que vaille, cheminé dans le noir, rongé par la soif et la faim, assailli souvent par le découragement, butant sur les cadavres, se heurtant à des éboulements, évitant les gaz. Et ils ont survécu, en mangeant d'abord le briquet des mineurs morts, c'est-à-dire la grosse tartine beurrée que chacun emporte dans sa musette, et en buvant ce qui restait dans les gourdes, les boutrelots, remplis de café allongés d'eau. Et quand cette ressource a été épuisée, ils ont mangé l'écorce des bois de soutènement et bu leur urine. La chance leur a fait trouver un cheval vivant qu'ils ont, le cœur serré, sacrifié à coups de pique pour le manger. Après ces faits terribles, César d'Anglos en a fait le récit, celui d'une si longue nuit. Il relate notamment le moment où son groupe retrouve trois autres mineurs dans la même situation qu'eux. La conversation s'engage. Qui est là ? C'est nous. Et qui nous ? Dites vos noms. Au même instant, deux grandes exclamations sont poussées à la fois. « Papa ! Mon garçon !» Et deux corps s'étreignent, et l'on entend des sanglots entrecoupés de baisers. La voix du sang venait de parler. Dans cette obscurité si lugubre, l'affection naturelle jetait dans les bras, l'un de l'autre, le père et le fils. Notre vaillant camarade Pruvot et son fils Anselme, perdus à 300 mètres sous terre. Nous pleurions tous de la plus intense émotion. Ces hommes et leur incroyable survie feront entrer dans le vocabulaire le mot « rescapé ». En patois du Nord, ils sont non seulement « escapés », ayant échappé à la mort dans l'explosion, mais rescapé, ayant une deuxième fois échappé à la mort. Inutile de dire que cette résurrection, pour heureuse qu'elle soit, renforce la détermination des grévistes et la hargne contre ceux d'en face. Nous avions raison, il y avait des survivants. Si on avait écouté les mineurs, bien d'autres auraient pu être sauvés, rappelle-t-il. Alors la grève redouble. C'est même un climat insurrectionnel qui plane sur la région. Des trains sont bloqués, ceux qui tentent de reprendre le travail sont menacés. Les compagnies tentent de recruter des jaunes, des mineurs venus d'ailleurs, pour remplacer les grévistes. Ici, un tenancier d'estaminet tire sur deux grévistes. Là, des syndicalistes tendent des fils de fer en travers de la route qui mène à une fosse. Ailleurs, des grévistes sont sabrés par la cavalerie. Parce que Clémenceau a envoyé la troupe. Oui, 26 000 soldats sont présents dans le bassin minier. Ce n'est pas tout à fait l'état de siège, mais c'est presque tout comme, note le quotidien Le Petit Nord. Et les heurts se multiplient, les blessés s'alignent des deux côtés. Après la mort d'un officier le 24 avril, touché par le jet d'une brique, après le saccage de la maison du directeur des mines, l'élan de solidarité pour les victimes de Courrières se brise, souligne la Voix du Nord. Alors, la tête basse et le cœur gros, hommes et femmes finissent par reprendre le travail, sans doute dans le même état d'esprit que ceux de Germinal. Comme si l'histoire des défaites ouvrières toujours, toujours et encore se répétait. Le travail recommençait partout. Partout, le long des chemins noyés de ténèbres, le troupeau piétinait, des files d'hommes trottant le nez vers la terre, ainsi que du bétail mené à l'abattoir. Ils grelottaient sous leurs minces vêtements de toile, ils croisaient les bras, gonflaient le dos que le briquet, logé entre la cheminée et la veste, rendait bossu. Et dans ce retour en masse, dans ces ombres muettes, toutes noires, sans un rire, sans un regard de côté, on sentait les dents serrées de colère, le cœur gonflé de haine, l'unique résignation à la nécessité du ventre. Le 4 mai, la grève est terminée. Elle aura duré 51 jours, mais n'aura pas été vaine, parce que les compagnies finissent par consentir une augmentation de 10% de salaire. En outre, les femmes dont le mari est mort dans la catastrophe peuvent demeurer dans leur maison ou leur coron. Surtout, la catastrophe de Courrières a des conséquences positives en matière de sécurité. Les lampes à feu nu sont strictement interdites. Un poste central de secours est créé en 1907 à Liévin. Et quelques mois plus tard, c'est aussi à l'acquis de la grève, la Chambre adopte le repos dominical obligatoire par la loi du 13 juillet 1906. La compagnie des mines de Courrières, elle, sort totalement blanchie de l'affaire. Une enquête judiciaire pour homicide involontaire est ouverte. Mais les magistrats instructeurs manquent d'ardeur dans leurs investigations, et c'est le moins qu'on puisse dire, car l'enquête s'enlise. Le 5 mai 1907, le tribunal d'Arras rend une ordonnance de non-lieu, confirmée 3 mois plus tard par la cour d'appel de Douai. Une enquête parlementaire est également diligentée, mais elle ne débouche sur rien. Bref, justice n'a pas été rendue aux 1099 morts de Courrières. La catastrophe a durablement marqué les esprits. Elle a aussi consacré le mineur comme figure centrale du mythe ouvrier, écrit l'universitaire Marion Fontaine. L'homme du fond est ainsi souvent comparé au soldat face à la guerre, au marin face à la mer. Comme ces derniers, il risque sa vie pour la production, combattant face à une mine souvent personnifiée comme une ogresse dévoreuse d'hommes, poursuit Marion Fontaine. Nombre de récits, de chansons, de poèmes célèbrent le mineur et ses combats ou évoquent le drame de Courrières. La chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, par exemple, a créé un ballet pour les 100 ans de la catastrophe. Des années plus tôt, Jude Mousseron, mineur et poète, inventeur du personnage de Cafougnette, un mineur à qui il arrive des aventures cocasses, bien connu des Ch'timis, avait dédié un poème au martyr de Courrières. Et le comédien Jacques Bonafé en lit ici un extrait, spécialement pour Affaires Sensibles. Avec l'accent, bien sûr. Salut, ô martyr de Courrières, brave carbonier né poule douleur, ô pauvres gens, ô les pauvres frères, combien nous pleurons vos malheurs. Comment se mettre pareille affaire en tiette, 12 chamineurs périr dans le feu, sans pouvoir penser une minute l'enfant à se mère, le père à se fieux. Anéanti par le flamme et le soufre, tous ces innocents sont brûlés, collés dans la poussière du gouffre, s'étreignant par groupes affolés. J'en ai fini. Plus jamais de caresses, plus de joie, plus de pain et plus de bonheur. Tous les corons ont la même tristesse, toutes les maisons ont la même douleur. La détresse n'a point passé une porte et le deuil est partout dans la cité. Qu'ont-ils fait pour souffrir de la sorte chez malheureux persécutés? Aujourd'hui, la catastrophe de Courrières. On en parle avec notre invité Marion Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne. Nous avons cité un passage de votre réflexion dans le récit. Vous êtes spécialiste de l'histoire des mouvements ouvriers et notamment des mondes miniers. Et vous avez beaucoup écrit sur la catastrophe de Courrières, précisément. Et je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Alors, on parle de la plus grande catastrophe minière en Europe, ce qui est vrai concernant Courrières. C'est vrai d'abord par le bilan. Est-ce que c'est vrai aussi parce que les médias l'ont largement relayé? Oui, je pense qu'on peut dire que Courrières fait partie, après le bazar de la Charité en 1897 et avant le Titanic en 1912, des premiers grands événements ou des premières grandes catastrophes médiatisées. Alors médiatisées évidemment pas dans les formes d'aujourd'hui, pas avec les réseaux sociaux, pas avec la télévision, mais médiatisées d'abord par une presse de masse qui atteint une puissance absolument incomparable. Les quatre premiers journaux populaires en France tirent à ce moment-là 1 million d'exemplaires. Et ont fait une grande partie de leur succès, ont fondé une grande partie de leur succès sur la dramatisation des faits divers. Et quel meilleur objet, quel meilleur terrain de dramatisation que Courrières. S'y ajoutent également, alors sans doute pas des formes d'images telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais toute une dramaturgie en effet en images qui passe par les dessins, par la gravure, par les cartes postales. Je pense que dans la mémoire et dans les représentations de Courrières, il y a aussi toutes ces cartes postales qui ont circulé autour de la catastrophe et que l'on retrouve parfois dans les greniers, bon, qui donnent parfois des choses assez cocasses, c'est-à-dire qu'au dos de certaines photos des victimes, on voit gros baisers du bassin minier, mais en tous les cas, toute une série de médias qui ont contribué à médiatiser cette catastrophe. Courrières fait sans doute partie des premières catastrophes médiatiques d'ampleur telles qu'on va les connaître dans tout le XXe et encore au XXIe siècle. Et plus encore par les dessins que par les photos et le texte. Alors plus encore par les dessins, par les photos, par la carte postale que au moins autant par les dessins et par la carte postale que par le texte. Pour les photographies, c'est un petit peu compliqué au sens où on a des photographies, ce sont celles qui vont servir d'ailleurs pour les cartes postales, mais pas de photographie de l'événement en lui-même, puisqu'à ce moment-là, enfin, les techniques photographiques ne permettent pas de prendre des photos du fond. Au fond, ce qui est le plus difficile à savoir de la catastrophe de Courrières, c'est ce qu'était exactement le fond, ce qu'ont pu voir à la fois les sauveteurs, les journalistes, et ce qu'ont pu pressentir ces survivants qui ont erré pendant 3 semaines dans un univers. Il y aurait de quoi fasciner, je pense, n'importe quel cinéaste aujourd'hui, parce qu'il y a dans Courrières à la fois cette omniprésence médiatique et au fond cette absence. Puisque ce qui s'est passé exactement et ce qu'a été le fond, on n'en sait rien, on n'en saura véritablement jamais rien. La mine est un huis clos par excellence. Voilà. La perception du mineur comme figure centrale du mythe ouvrier, je reprends vos mots, hein, parce que vous les écrivez dans un article, est-ce qu'on peut dire que ça date de ce moment-là? Ça remonte sans doute, c'est une construction sur le long terme. Il y a une autre grande marque symbolique de cette construction, c'est évidemment le Germinal de Zola, dont la dernière partie est autour d'une thématique d'une catastrophe qui paraît donc en 1885. Mais Courrières contribue sans doute à sculpter la figure du mineur comme en quelque sorte quintessence de la classe ouvrière, de cette classe ouvrière qui va porter l'ensemble du XXe siècle, quintessence de la classe ouvrière, le mineur, à la fois comme martyr. Et encore une fois, quel exemple de martyr plus important que peut-on trouver que cette catastrophe absolument monstrueuse, et en même temps comme héros de la classe ouvrière. C'est-à-dire que dans Courrières, il y a la catastrophe, mais il y a aussi la grève, et il y a le fait que les mineurs ne se contentent pas de subir passivement l'événement, mais aussi se révolte. Et au fond, cette double figure de l'ouvrier, à la fois martyr et héros, est évidemment ce qui va inspirer l'ensemble d'une mythologie, là encore, pendant toute la durée du XXe siècle. Des ouvriers avec, comme le dirait Marx, une conscience de classe, à l'époque, qui est importante, d'ailleurs. Alors, qui est importante et qui est d'autant plus importante chez les mineurs, bon, qui constituent, pour plein de raisons, une corporation où l'organisation syndicale est relativement précoce, relativement importante, vous l'avez dit. Et politisée, surtout. Et politisée, oui. Les mineurs, vous avez parlé des leaders syndicaux, d'Émile Badi, de Brouchou. Il faut bien voir aussi que, au fond, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, à Courrières, à Lens et ailleurs, ce sont bien deux pouvoirs qui se sont mis en place. D'un côté, le pouvoir omniprésent de ces compagnies minières, paternalistes, etc., telles que l'on a décrites, et de l'autre, un contre-pouvoir ouvrier qui s'appuie sur les syndicats et qui s'appuie aussi sur les municipalités, qui ont en général été conquises par ce mouvement ouvrier, comme autant de manières de résister à l'emprise patronale. Alors, les demandes, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Mais vous me dites si c'est vrai ou pas. Les demandes, les exigences des deux syndicats, alors il y a le vieux et le nouveau, hein, lors de la grève, portent d'abord sur les salaires, beaucoup moins sur la sécurité. Alors peut-être qu'avant Courrières c'était ça, mais qu'après Courrières, la sécurité est devenue prégnante. Alors c'est intéressant, c'est non, elle ne va pas devenir nécessairement plus prégnante, ou du moins pas directement. D'accord. Il y a deux manières de voir cette hiérarchisation qui est effective. La première, c'est de dire au fond que les mineurs endossent ce que dit Jaurès deux ou trois jours après la catastrophe de Courrières, c'est-à-dire l'idée qu'il y a dans le métier de mineur une part de fatalité. Que oui, le risque part est annulé. Une part de dangerosité que l'on ne peut pas éliminer, mais que l'on peut en revanche compenser par la protection sociale, par les salaires, par la sécurité sociale, etc., etc. Alors ça veut dire que une catastrophe du grisou ou autre chose, là c'est pas du grisou en l'occurrence, c'est un élément induit dans le métier de mineur, et quand on s'engage en tant que mineur, on sait qu'il peut y avoir un accident, mais c'est pas une priorité, c'est ça ? Alors c'est ce que l'on pourrait penser. De fait, ce qui peut paraître absolument extraordinaire aux yeux de notre modernité, c'est que la plupart des survivants et même des rescapés redescendent. Ils retournent. Mais retournent, oui, au fond. Oui. Et quelqu'un comme César d'Anglot terminera avec 40 années de mine, etc., etc. Alors ça, c'est ce que l'on peut voir en surface, et au fond l'impression que les mineurs eux-mêmes considéraient que le risque est un peu indifférent. Si on regarde mieux, et un certain nombre de travaux récents le montrent, et si vous regardez les archives de la main-d'œuvre, non seulement de la compagnie Courrières, mais des autres compagnies, vous verrez que les mineurs n'acceptent pas tant que cela le risque. Sauf que ce risque, le refus du risque, ou le refus de risquer sa vie, il se manifeste moins dans des revendications directes que tout simplement dans la fuite. C'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs un problème constant pour les compagnies minières, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à retenir une partie de leurs ouvriers et une partie des jeunes mineurs, etc., des jeunes enfants mineurs, dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils ont un minimum de qualification, fuient la mine. Et c'est d'ailleurs pour ça que les compagnies minières déploient autant de politiques paternalistes, c'est que les mineurs ne veulent pas rester. Preuve que le risque n'est pas si accepté que ça. Bien sûr. Concernant les salaires, est-ce que quand on est mineur, à cette époque, on gagne plus, par exemple, qu'un ouvrier agricole ? Alors, on gagne un peu plus qu'un ouvrier agricole. Surtout, ce que je viens de dire, c'est que on dispose d'un certain nombre de la maison dans les corons, d'avantages sociaux, pourrait-on dire. C'est-à-dire la maison dans les corons, l'école, une émergence de protection sociale qui est bien plus importante que ce dont peut disposer un ouvrier agricole ou une ouvrière du textile à Roubaix. Le problème étant que vous risquez votre vie de manière bien plus élevée également. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Marion Fontaine, je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de l'histoire des mouvements ouvriers et notamment des mondes miniers, que vous avez beaucoup écrit sur la catastrophe de Courrières. Alors on se souvient, c'est dit dans le récit, que Georges Clemenceau est sur place en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque. Or, la création du ministère du Travail en 1907, lors de la création de ce ministère, Clemenceau est président du Conseil. Et la loi de 1910 qui instaure une retraite de vieillesse pour tous les salariés est votée. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des conséquences positives de Courrières, un acquis de Courrières ? Alors, est-ce que les initiatives sociales, enfin que Clémenceau, donc Clémenceau n'est pas seul à l'initiative, on est à un moment où Clémenceau, ministre de l'Intérieur et chef du gouvernement, n'a pas tant de pouvoir que ça face à la Chambre des députés qui est la véritable élaboratrice. Mais est-ce que Courrières a joué un rôle dans l'élaboration d'une législation sociale ? Oui. Sans doute, c'est-à-dire toujours, je le répète, avec l'idée que face à une telle dangerosité, il fallait bien trouver des moyens de compenser, mais aussi d'éviter le désordre social tel qu'il apparaît et qui a suivi la catastrophe de Courrières. C'est... Clémenceau est absolument pas un révolutionnaire, c'est bien d'ailleurs ce qu'il oppose à Jaurès, mais Clémenceau pense en effet que, d'une part, il faut un certain nombre de protection pour le travail ouvrier, et d'autre part qu'il faut aussi peut-être limiter un petit peu le pouvoir des compagnies qui, disait-il dans un rapport parlementaire bien avant, en 1884, passaient parfois un petit peu pour un État dans l'État. Donc sans doute que la gravité de Courrières a contribué à accélérer le timide réformisme social républicain, mais qui est encore bien timide, il faut le dire, par rapport à ce qui se passe en Allemagne et en Grande-Bretagne, où les législations sociales, à l'époque, sont bien plus avancées. Ah ben, les époques changent. Hein. Quel regard faut-il porter sur le fait que la compagnie de Courrières s'en soit tirée face à la justice ? Est-ce qu'on est dans le combat classique, dans le capitalisme, du pot de terre contre le pot de fer, et on sait qui gagne à chaque fois ? Alors c'est intéressant, ça paraît inouï aujourd'hui, c'est-à-dire comment une entreprise sous l'égide de laquelle se déroule une catastrophe qui fait 1099 morts a-t-elle pu échapper à la justice au terme d'une procédure très rapide qui débouche sur un non-lieu ? Alors c'est sans doute une question du capitalisme, là pour le coup c'est une question proprement minière, c'est-à-dire que l'expertise des catastrophes et la décision sur les causes appartient en fait à un corps administratif spécifique créé depuis 1810, qui est le corps général des mines, qui est chargé donc d'expertiser et de rendre compte, de rendre un rapport sur les raisons techniques et les éventuelles responsabilités de la catastrophe. Le problème, c'est que ce corps des mines est composé d'ingénieurs des mines, qui sont les collègues des ingénieurs des mines qui dirigent la compagnie Courrières. Ils ont bien évidemment une tendance certaine, une certaine tendance à dédouaner leurs confrères. Un conflit d'intérêts, là. Il y a un conflit d'intérêts majeur que dénoncent d'ailleurs tous les leaders ouvriers, disant comment ceux qui sont juges peuvent-ils être en même temps ceux qui sont parties prenantes. Il faudra attendre les années 1970 et les catastrophes de Liévin et de Merlebach en 1974 et 1976, pour que des catastrophes minières fassent l'objet véritablement d'un procès. Donc c'est en même temps une affaire spécifiquement minière. Pour les auditrices et auditeurs qui sont intéressés par cette thématique des mines, je rappelle qu'Affaires Sensibles a consacré un épisode à la catastrophe de Liévin, bien sûr disponible à l'écoute en podcast. Dernière chose, et nous ne l'avons pas évoqué dans le récit, mais en plus des accidents, les mineurs affrontent quotidiennement d'autres dangers mortels. Alors je cite la silicose, ou maladie des poumons pierres, comme on disait, et moins connue, l'ankylostomiase, une affection intestinale causée par un ver qui vit dans les milieux chauds et humides, les veines de charbon, hein, par exemple, et qui pénètrent dans le corps par la peau et qui affaiblissent considérablement l'organisme. Ces maladies étaient-elles un problème connu et reconnu à l'époque ? Il commençait à l'être. L'ankylostomiase est un problème connu et quelqu'un comme Émile Bally, d'ailleurs, va mener une grande activité et du point de vue législatif et auprès de ses adhérents pour lutter et pour développer des mesures de prophylaxie contre l'ankylostomiase. La silicose commence, enfin on commence à en pressentir les effets, c'est-à-dire la poussière de charbon qui bloque les poumons. Ça se voit d'ailleurs déjà dans Germinal. Hein. Bonne mort, vieux et vraisemblable atteint de silicose. Mais il faudra, là, pour le coup, attendre les années 30 et même la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la silicose soit véritablement reconnue comme maladie professionnelle. Plus grande tueuse que la catastrophe de Courrières et que toutes les catastrophes minières, la silicose aura sans doute été, avant l'amiante, la plus grande exterminatrice de mineurs de tout le XXe siècle. Et ce sera le mot de la fin, il me reste à vous. Merci, Marie-Fontaine. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe de Courrières, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.